Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Vous êtes sur FPP, c'est la jungle des luttes comme tous les troisièmes lundis du mois en direct et retransmis le quatrième jeudi du mois, là le matin par contre, de 8h à 9h30. Et donc aujourd'hui on est ensemble jusqu'à 20h30 et vraiment désolé parce que depuis la rentrée, enfin depuis cet été, on vous a fait faux bond, on n'a pas réussi, on a eu des problèmes et finalement pas réussi à sortir un programme. Et donc aujourd'hui, on est très content d'être avec vous. Ceci dit, si vous nous avez raté, vous pouvez toujours retrouver nos émissions sur le site du CSPCL, cspcl.ouvaton.org. Il y a le blog aussi, La Jungle des Luttes, qui depuis 2007, qu'on a cette émission, on a réussi à stocker un grand nombre des émissions. Enfin, il y a toujours moyen d'écouter les anciennes émissions. Et on remercie justement La Parole Errante qui nous a donné la parole lors d'un événement qu'on a organisé là-bas. Et on a fait un plateau radio et je pense qu'on aura l'occasion à un moment ou à un autre de vous partager ce plateau radio qu'on a fait à propos de la question de la radio communautaire, mais pas seulement. Voilà, on a des radios associatives comme FPP qu'il faut soutenir, sachant que, vous le savez, les budgets, ça se restreint, les subventions font que on peut se dire qu'il y a un grand nombre de radios qui vont devoir disparaître au fur et à mesure des années, et peut-être même très rapidement. FPP n'est pas épargné, donc si vous avez des dons à faire, adressez-vous à FPP, on les reçoit en cette période de fin d'année. Au lieu de faire des cadeaux à la con, on peut peut-être essayer de mettre des sous dans des projets intéressants. Et donc je pense que Fréquence Paris Pluriel, c'est un beau projet, on est content d'y être depuis le temps et on les remercie. On a d'ailleurs réussi à faire un don cette année, donc c'est chouette, on essaye de soutenir pour tout, l'accueil que FPP nous fait et tout le soutien qu'il nous donne. Donc merci à FPP. Et donc on est aujourd'hui en direct jusqu'à 20h30 avec notre copain Didier qui est revenu d'une cueillette d'olives en Cisjordanie. Si vous nous écoutez régulièrement, vous avez eu l'occasion de l'entendre l'année dernière au mois de décembre. Et puis en plus, même au mois de janvier, puisqu'on avait encore foiré notre émission du mois de janvier, donc on avait retransmis l'émission, ce qui fait que du coup, vous reconnaîtrez peut-être sa voix. Et donc là, cette année, il a toujours eu donc ce même projet, là, de, comme l'année dernière, d'aller en Cisjordanie, de filer un coup de main, parce que c'est une forme de solidarité importante et concrète. Et ça permet aussi d'avoir des informations fraîches sur la situation là-bas, qui évidemment, vous le savez tous, est grave, intolérable, insoutenable. Et en tous les cas, des gens en résistance, et c'est le témoignage de Didier tout à l'heure. Et avant, c'est un grand jour le 17 novembre. C'est l'anniversaire de plein de gens sans doute, mais aussi celui de, et surtout de le ZLN, puisque la formation de le ZLN s'est faite un 17 novembre 1983, c'est-à-dire 10 ans... avant le soulèvement qu'on connaît, 1er janvier 1994. Donc on parlera un petit peu des apatistes dans cette première partie et ensuite on sera avec Didier. C'est la jungle des luttes. Vous êtes toujours sur FPP 106.3. On fait une petite pause musicale comme d'hab et on rentre dans le vif du sujet. Merci. À tout de suite. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantar. caminas a su bar. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. FPP, fréquence Paris Pluriel, donc c'est la jungle des luttes, programme proposé par le CSPCL, donc Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte. Donc notre comité, vous pouvez nous retrouver d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais tous les premiers mercredis du mois, maintenant au CICP, puisqu'avant on était à la CNT dans les locaux qui sont en travaux. Donc on est au CICP, 21 Terre, rue Voltaire, le premier mercredi du mois, c'est une assemblée ouverte de 20h à pas d'heure, bien qu'on vieillisse un petit peu, donc ça finit quand même de plus en plus tôt. Mais donc on se retrouve, pour parler des apatistes et pas seulement, puisque l'idée de soutenir les apatistes, d'être solidaire avec eux, c'est surtout de comprendre leur message dès le départ, qui est à savoir s'organiser là où on est avec ceux qui sont sur le terrain, sans aucune idéologie, et donc eux, ils ne sont pas proposés comme une avant-garde. Ce qui était justement en rupture en 1994 avec... on était un petit peu en déshérence, on n'avait plus que le capitalisme, il y avait la chute du socialisme. Et donc voilà, du coup, quand ils sont arrivés, les apatistes, ils nous ont proposé quelque chose, c'était de s'organiser, de se rencontrer, de pouvoir faire ensemble autre chose, autrement aussi, surtout, et donc en regardant pas vers le haut, mais bien vers le bas, et donc en bas à gauche, évidemment, parce qu'anticapitaliste. Et donc, c'est quelque chose qui, si ce terme-là, en bas à gauche, n'a pas émergé dès les premiers jours, c'est comme ça qu'ils se sont formés depuis le départ, puisque donc aujourd'hui c'est le 17 novembre, formation de l'EZLN, le 17 novembre 1983, c'est-à-dire des paysans indigènes qui s'étaient armés pour lutter contre les grands propriétaires terriens et qui ont rencontré aussi des guérilleros qui, eux, fuyaient la répression du régime à l'époque, puisque c'était l'époque de la guerre sale, et donc, du coup, époque où, justement, les guérillades en Amérique latine avaient fini par connaître un certain nombre d'échecs, et donc, au Mexique, un certain nombre de guérilleros ont fui et se sont rencontrés avec, donc, ces paysans indigènes sous l'autorité, l'oppression des grands propriétaires terriens. Et donc, à partir de 1983, ils décident de se former en armée zapatiste de libération nationale, EZLN. Donc. Et à partir de là, il y a l'idée de se construire, mais une défense et aussi un apprentissage politique et aussi l'idée de pouvoir croître en nombre. Et jusqu'à ce qu'il y ait en 92, on l'a déjà dit, mais on le répète pour ceux qui ne le savent pas encore, ce projet de l'ALENA, donc Mexique, États-Unis, Canada, qui donc rompait avec les acquis de la révolution du début du siècle, dont l'un des noms comme Zapata est connu pour justement avoir poursuivi la révolution après la révolution pour s'assurer qu'il allait avoir réellement cette réforme agraire et de la répartition des terres. Et donc, ce qui avait été quand même un acquis de la Révolution, c'était l'article 27, la propriété sociale, si collective, si on peut dire, c'est-à-dire ni privée ni nationale. Et donc, c'est par cet accord de l'ALENA qu'il y a eu une condition qui était la fin de cet article 27, et donc la possibilité de morceler ces parcelles collectives en permettant aux ejidatarios, aux personnes qui utilisaient ces terres et qui n'en avaient pas la propriété, mais seulement l'usufruit, qui se transmettait donc de génération en génération, et bien avec cette réforme, la possibilité pour eux de vendre leurs parcelles était là, et donc le démantèlement, en quelque sorte, de cette forme de propriété collective. Et donc les zapatistes se sont soulevés en 94, ont pris des terres, les ont distribuées aux zapatistes et aux non-zapatistes également, puisque l'idée étant de tout pour tous donc du coup l'idée étant pas de lutter rien que pour eux, sachant que eux, zapatistes organisés, sont des paysans indigènes et connaissent les mêmes difficultés que ceux qui ne sont pas organisés dans cette organisation zapatiste. Et donc ça a été la marque dès le départ. Ce qui a fait sans doute que lorsqu'ils ont déclaré la guerre à l'État le 1er janvier 1994 en armes avec une armée, mais avec une proposition fondamentalement politique, avec l'idée de renverser le mode et de surtout justement avoir la construction d'une société qui soit à la mesure de nos envies, de nos ambitions et de nos capacités à tous les uns et les autres là où on est. Donc là, du coup, c'est cette proposition qui a grandi, puisque maintenant, le soulèvement de 94, ça fait déjà 31 ans qu'on connaît les zapatistes et qu'on sait combien ils ont influencé, inspiré, et qu'ils continuent à faire des propositions. Et donc, de cette propriété collective et sociale qui est en péril de par la réforme de l'article, ils ont aussi émis dernièrement, après avoir fait l'analyse et une critique de leurs 30 ans de lutte, de résistance et de création de l'autonomie pour justement ne plus être dans ce système pervers du capitalisme. Et donc, du coup, avec cette analyse, cette capacité à se critiquer, ils ont aussi remis en cause la question de la propriété, qu'elle soit collective. Quand bien même elle serait collective, c'est toujours une notion de propriété. Donc, ils ont mis en avant la question du commun. Et donc, ça, c'est la nouvelle aventure que se proposent les zapatistes, dont on n'a pas encore beaucoup de visibilité, parce qu'on ne va pas non plus beaucoup sur le terrain. Donc, on n'a peut-être pas les moyens de pouvoir voir comment ça avance. Mais là, on a des copains en ce moment qui sont sur place, et même des copines, je crois bien, surtout une copine. Et donc, elle va pouvoir nous en parler, peut-être un peu plus. Et donc, en tous les cas, là, on va faire une micro-pause musicale. Et ensuite, on vous passera pour que vous ayez un peu plus d'informations sur l'actualité avec un enregistrement que nous a fait un copain du comité pour que vous ayez un peu ben voilà, des infos sur le Mexique, sur ce qui se passe actuellement au Chiapas, parce que les nouvelles, bon, ben, comme un peu partout, c'est pas bon, hein, ça va pas bien en ce moment. Donc voilà, on lâche rien, on se démobilise pas. La lucha sigue, musique, et on se retrouve avec Paul qui nous a fait un petit enregistrement sur les nouvelles au Mexique. Musique. Es el vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. Es el vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás. En la esquina de un lugar me paro, borracho de idea, me puse a bailar. Tus ojitos de bandida no me dejan de mirar. Brindemos por los que están presos, brindemos por los que no están. Antifasciste, t'es motivé, t'es sur la piste, tu l'enregistres dans la playlist, tu la partages, tu prends des risques, t'es un wokiste, séparatiste, t'es un gauchiste, indigéniste, t'es anarchiste, t'es féministe, faut que tu fasses gaffe, t'es sur la liste, tu veux de la valse, tu veux guincher, t'auras du rap, poil à gratter, ça va kicker, ça va piquer, y'a des oreilles qui vont saigner, ils ont la haine des immigrés, ils ont la trouille d'être remplacés, n'en fallait pas nous inviter, n'en fallait pas coloniser, on est sincère, on est bruyant, on est bavard, on est barbare, on est saoulant, évidemment, on est sympa, mais pas souvent, on refait le monde, il est hardcore, on le critique, on le décore, on le bouscule, on l'améliore, quand on est plein, on est plus fort. Et c'est le vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. Es el vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás. Es el vals antifascista, lo bailan los guachos. Fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes. Et donc, on va parler un petit peu du Mexique avec Paul qui nous a préparé un petit enregistrement sur l'actualité. Aujourd'hui, le 17 novembre 2025, lundi, nous célébrons les 42 ans de la formation politique et militaire de l'armée zapatiste de libération nationale dans l'état du sud-est mexicain du Chiapas. Le 1er janvier 2024, le mouvement zapatiste célébrait ses 30 ans de cheminement parcouru depuis le soulèvement armé du 1er janvier 1994. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'EZLN, nous vous proposons donc une brève introduction aux analyses et aux actualités du mouvement zapatiste, notamment dans la période qui succède au voyage pour la vie, le voyage planétaire zapatiste, dont la première étape européenne a eu lieu en 2021. Depuis 2021 et du coup le passage de plusieurs délégations zapatistes en Europe, l'année 2022 a notamment été marquée par très peu de communications zapatistes. 4 ou 5 communiqués ont été publiés sur Enlace Zapatista, que vous pouvez retrouver sur le web. Ce qu'on remarque notamment, c'est l'apparition d'un communiqué qui s'intitule « Halte aux guerres » et qui est un communiqué qui annonçait une mobilisation d'ampleur des zapatistes au Chiapas contre l'ensemble des guerres impériales, notamment à cette époque contre l'invasion russe qui commençait dans les territoires ukrainiens. la mobilisation zapatiste contre les guerres impériales et notamment contre l'invasion russe ukrainienne est l'une des seules mobilisations de cette ampleur dans le monde. À la suite de l'année 2022, relativement calme en termes de publication des communiqués zapatistes, l'année 2023 marque un tournant majeur pour le mouvement qui parle d'une nouvelle étape, de son cheminement rebelle. L'année 2023 est marquée notamment par une vingtaine de communiqués, une série de communiqués en 20 parties. Une série de communiqués qui annonce du coup une nouvelle forme de perspective politique qui a celle d'un autre monde possible, slogan qui a été repris par l'altermondialisme mais qui dans sa formulation zapatiste était pluralisé, d'autres mondes sont possibles, notamment un monde dans lequel il y ait place pour de nombreux mondes, s'ajoute la perspective de léguer la vie, d'hériter de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à la tempête actuelle qui menace chaque partie et le tout, les zapatistes nous invitent à nous joindre, à coïncider, à ce que nos luttes soient complices et se rejoignent dans une lutte planétaire pour la vie étant du coup constamment menacée par le système monde de la modernité capitaliste, hein, coloniale, patriarcale, et la brutalité des États-nations et de ses forces, de leurs forces répressives. L'étape zapatiste, elle s'articule aussi autour d'une nouvelle structure, hein, une réorganisation de l'autonomie zapatiste, une nouvelle structure de l'autonomie, avec notamment la disparition des conseils de bon gouvernement, et des municipalités autonomes rebelles zapatistes, hein, des conseils de bon gouvernement qui dataient de 2003 et les MARES, les municipalités autonomes rebelles zapatistes qui dataient pour les premières de décembre 1994. Donc on a plus de 20 ans, hein, de l'expérimentation de l'autonomie civile zapatiste, un changement d'ampleur qui est motivé par une profonde analyse critique, hein, un bilan d'autocritique fait par les communautés bases d'appui et par l'armée zapatiste de libération nationale en ce qui concerne la pyramide sociale et le fait que l'autonomie zapatiste, bien qu'elle l'était à bien des égards particulièrement conséquente et inspirante, n'en demeurait pas moins une forme pyramidale qu'il a donc fallu critiquer au gré de nombreuses années d'analyse. Et qu'il faut évidemment remplacer non pas par une nouvelle pyramide, hein, mais par un système qui renverserait toute forme de pyramide, hein, qui saperait complètement la base pyramidale d'une société alternative. On a du coup dorénavant une nouvelle structure, hein, une nouvelle structure de l'autonomie, avec à la place d'une forme de navette montante, hein, depuis les communautés jusqu'au conseil de bon gouvernement, une forme de navette cette fois-ci descendante, c'est-à-dire que l'ensemble des décisions prises au niveau le plus local possible sont prises au niveau le plus local possible, c'est-à-dire dans les assemblées des communautés et des villages zapatistes, au travers de ce qui est de ce que sont les nouvelles une nouvelle forme institutionnelle rebelle, hein, que sont les gouvernements autonomes locaux, les GAL. Et voilà. Et en fonction de la résolution ou pas au niveau local d'un conflit, d'une problématique, la décision monte par étage, en faisant bien sûr une navette d'aller-retour avec les étages inférieurs constamment, pour rejoindre les collectifs de gouvernement autonomes zapatistes, les SEGAZ, au niveau de la commune et au niveau régional où siégeaient avant les conseils de bon gouvernement. L'assemblée des collectifs de gouvernement autonome zapatiste, pardon, la SEGAZ, laquelle peut aussi, en fonction de la gravité de la décision et de la difficulté de l'accord, se réunir en ce qu'on appelle maintenant des interzones, qui sont du coup les inter-SEGAZ. Bon, tout ça est très très compliqué, hein, à comprendre. Les zapatistes eux-mêmes et elles-mêmes disent qu'il leur a fallu beaucoup de temps, hein, pour faire ce bilan d'autocritique, pour penser cette nouvelle structure et pour commencer à la mettre en pratique. Et comme ils le disent de manière tout à fait intéressante, voilà, ça fait on commence à peine à l'expérimenter, donc bien sûr qu'on va se tromper, bien sûr qu'on va faire des erreurs, mais bien sûr, étant zapatiste, c'est en marchant qu'on construit le chemin, c'est en cheminant et en s'interrogeant qu'on ouvre la perspective. Alors, c'est pour celles et ceux qui seraient intéressés hein, pour aller davantage en profondeur dans l'analyse de cette restructuration de l'autonomie, vous pouvez vous référer à la partie 9 des communiqués zapatistes publiés sur NLAC Zapatista à l'année 2023. Donc, c'est la partie 9 de cette longue série. La partie 9 aussi annonce une réorganisation de l'armée zapatiste de libération nationale, de l'EZLN, permettant, disent-elles, de garantir la traversée de la tempête et d'arriver au jour d'après. Enfin, cette série de communiqués de l'année 2023 se finit par une vaste et ambitieuse initiative qui s'intitule « Le commun et la non-propriété ». Le commun et la non-propriété... Propriété, étant le nouveau chemin emprunté par les zapatistes pour faire face à ce qu'ils ont appelé pendant de longues années l'hydre capitaliste. Le commun et la non-propriété est donc une vaste initiative qui pour l'instant prend forme dans les territoires autonomes zapatistes au Chiapas, notamment autour de la question agraire et territoriale, du partage des terres entre zapatistes et non-zapatistes, ce qui permet entre autres de résoudre quelques conflits territoriaux, conflits armés, qui affecte notamment les communautés bases d'appui. Par ailleurs, dans les analyses zapatistes, il revient à de nombreuses reprises la notion de propriété privée et qu'ils entendent comme étant le noyau principal de l'hydre capitaliste, le noyau principal du système monde, et le commun et ses usages, d'une certaine manière, permettent de contourner la notion de la propriété. La notion de la propriété qui était maintenue malgré le fait que c'était une propriété communale et collective qui était maintenue du fait du territoire autonome zapatiste et des terres récupérées par le ZLN. Le 1er janvier 2024, le mouvement zapatiste célébrait du coup les 30 ans de son insurrection armée, les 30 ans d'un cheminement rebelle, avec une construction de l'autonomie particulièrement importante et de nombreuses initiatives internationales, des séminaires, des festivals, des rencontres d'art, de science, entre les femmes zapatistes et les femmes du monde qui luttent, mais aussi des rencontres. Récemment, il y a eu de nombreuses rencontres de cinéma. Cette année 2024, c'est aussi une année qui est ponctuée par de nombreux communiqués avec plusieurs séries, notamment la série intitulée « La tempête et le jour d'après » qui situe le lecteur et la lectrice dans le cadre d'une communauté fictive. Je vous laisse aller retrouver ces communiqués sur NLAC Zapatista. Cette série, La tempête et le jour d'après, elle s'inscrit aussi dans le cadre des rencontres internationales de résistance et de rébellion 2024-2025, qui sont des rencontres qui ont été convoquées par le mouvement zapatiste en octobre 2024 et qui se sont déroulées sur plusieurs sessions thématiques, notamment une première session en décembre-janvier qui était une session de pensée critique autour d'un séminaire qui a eu lieu à l'Université de la Terre, le CIDECI à San Cristóbal de las Casas, au Chiapas, au Mexique, un séminaire qui permettait notamment aux zapatistes de partager le diagnostic de la tempête ainsi que la généalogie zapatiste de la notion du commun qui commençait du coup depuis la fin de l'année 2023 à proposer. Une seconde session des rencontres a eu lieu en avril 2025 autour des arts, donc notamment avec un grand déploiement artistique zapatiste, avec des présentations théâtrales des jeunes zapatistes, présentations théâtrales qui avaient été présentées pour la première fois à la première session de décembre-janvier, qui est un théâtre éminemment politique et très très créatif, un théâtre d'ampleur hein, qui mobilise des centaines de comédiens, comédiennes zapatistes. Donc cette rencontre, elle avait pour viser de réunir les arts autour d'une réflexion pour le jour d'après. Donc quels arts pour le jour d'après? Comment continuer à réfléchir à des perspectives artistiques en dehors du système monde capitaliste? Et cette rencontre-là, cette session, s'intitulait « Rebelle et révèle ». Et révèle. Donc voilà, il y a une troisième session qui a été présentée comme étant la session centrale, hein, qui était la session qui a invité les populations, les personnes, les collectifs, les organisations, membres du large réseau internationaliste et notamment signataires de adhérents à la Sexta Déclaration, mais aussi signataires de la Déclaration pour la Vie. Cette rencontre-là, elle s'est déroulée en août 2025. C'est une rencontre qui a duré 2 semaines, ce qui était tout à fait inédit dans le cadre des rencontres zapatistes. Et elle s'intitulait « Quelques parties du tout ». Il s'agissait en fait d'échanger des chemins, des rythmes, des destinations au vu du jour d'après, c'est-à-dire en fait échanger entre nous nos perspectives de lutte, nos modalités d'action, nos réussites, nos échecs, nos difficultés. Donc l'ensemble des communiqués, comme je vous le disais, est toujours disponible et traduit en français par le collectif de la Sexta francophone, de traduction de la Sexta francophone qui s'appelle Flore de la Palabra. Ils sont donc tous traduits en français sur le site Enlace Zapatista, le site officiel du mouvement zapatiste. Mais vous pouvez aussi retrouver par exemple les audios des rencontres internationales que je vous mentionnais sur le site de Radio Zapatista, hein, vous le retrouverez assez facilement sur le web. Notamment beaucoup de médias libres et indépendants permettent de relayer et de diffuser les rencontres zapatistes, mais aussi le propre groupe de communication zapatiste qui s'appelle les Tercios Compass. Voilà, pour finir, je souhaitais vous partager quelques indications hein, en ce qui concerne la lutte zapatiste. C'est une lutte qui à bien des égards est inspirante, qui propose énormément de réflexions, de pratiques qui sont à la fois mobilisables dans différents contextes, hein, dans différentes géographies, bien qu'elles restent complètement ancrées hein, dans les territoires du Chiapas et à bien des écarts spécifiques à la composition indigène du mouvement zapatiste. Le mouvement s'ancre du coup territorialement dans ces territoires autonomes, mais il a toujours et il conserve une perspective planétaire, hein, la perspective dont je vous parlais, qui est celle d'un monde dans lequel il y a place pour de nombreux mondes, qui aujourd'hui s'ajoute avec cette nouvelle dimension hein, depuis 2023 de léguer la vie, donc avec la dimension de la lutte pour la vie qui est notamment synthétisée, et je vous invite à lire la Déclaration pour la vie qui a été publiée le 1er janvier 2021. Mais voilà, si d'un côté le mouvement zapatiste, notamment dans sa partie civile, construit et chemine sur les sentiers de l'utopie, de l'autonomie du territoire au Chiapas, il n'empêche que de l'autre côté, le mouvement zapatiste a aussi subi et continue de subir de manière constante de nombreuses attaques, intimidations, menaces, harcèlement et jusqu'à des déplacements forcés et contraints des communautés bases d'appui. C'est notamment le cas hein, depuis de très nombreuses années. Le ZLN publie des communiqués alertant sur la situation délétère et particulièrement désastreuse du Chiapas, sur l'implication à la fois des groupes criminels, du crime organisé, ce qu'on appelle communément les narcos, mais aussi des groupes que eux intitulent le crime désorganisé, que sont les mauvais gouvernements des trois niveaux de gouvernement au Mexique, hein, c'est-à-dire la municipalité, l'État et la fédération, et les industries et de nombreuses industries capitalistes nationales et transnationales qui imposent provoque des spoliations criminelles de nombreux territoires, notamment des territoires indigènes, pour développer des méga projets supposément progressistes. Je voulais donc mentionner aussi là, les tout derniers communiqués, hein, les récents communiqués des gouvernements autonomes en commun zapatistes de septembre 2025 qui alertaient sur la situation du village de Belén, qui est dans la municipalité officielle de Ocosingo, qui appartient au Caracol 8 Dolores Hidalgo du territoire autonome zapatiste, qui subit de nombreuses attaques, agressions et spoliations, ce qui a contraint la population de Belén, qui sont des communautés bases d'appui, c'est-à-dire des civils zapatistes, hein, de se déplacer et de monter un campement provisoire ailleurs. Voilà, on est toujours alerte et en attente d'indications de l'armée zapatiste et du mouvement zapatiste en ce qui concerne les possibilités de solidarité internationale transfrontière avec le mouvement pour garantir l'intégrité et la durabilité de ce mouvement-là sur son territoire autonome au Chiapas. Voilà, et puis pour ne pas finir sur une note répressive et peu joyeuse, voilà, sachez que le mouvement zapatiste est organisé depuis de très nombreuses années, du coup depuis plus de 30 ans, hein, depuis l'insurrection armée, mais aussi depuis plus de 40 ans pour ce qui est de la formation politique et militaire, que c'est un mouvement particulièrement créatif, qui a toujours su réinventer des manières de résoudre les conflits auxquels il faisait face. Et aujourd'hui, il nous propose justement, en commun, ensemble, de résoudre les problématiques auxquelles nous sommes confrontés au niveau planétaire, que sont cette crise qu'ils intitulent la tempête, cette crise systémique, hein, à la fois écologique, mais aussi à bien des égards politiques, anthropologiques et tant d'autres, et pour habiter, comme ils le disent très poétiquement, pour qu'on puisse habiter tous et toutes ensemble de manière digne et libre un jour d'après, c'est-à-dire des mondes post-capitalistes, des mondes viables, désirables. 106.3, vous êtes toujours sur FPP, la jungle des luttes. Donc voilà, vous avez eu le petit panorama sur ce que les apatistes proposent, vivent. Et donc justement, il y a la possibilité de rencontrer donc le CSPCL le premier mercredi du mois à 20h en assemblée ouverte pour parler de l'actualité des apatistes, mais de toutes ces luttes aussi en bas à gauche, puisque c'est une question de résistance, de savoir où on va pouvoir vivre dignement. C'est la question brûlante de la Palestine actuellement. Et donc justement, on est avec Didier qui revient de Cisjordanie et qui a fait la cueillette des olives et qui va pouvoir nous en parler. On va prendre une petite pause musicale pour se mettre dans l'ambiance et passer sur un autre continent. Des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Des pierres contre des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Des pierres contre des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Des pierres contre des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Des pierres contre des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Des pierres contre des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. Des pierres contre des fusils, ici j'ai des mots contre un système pourri. C'est la guerre, mes frères, ouais, c'est la guerre. C'est la guerre des pierres, ouais, c'est la guerre. C'est la guerre, mes frères, oui, c'est la guerre. C'est la guerre des pierres, oui, c'est la guerre. C'est la guerre, mes frères, oui, c'est la guerre. C'est la guerre des pierres, oui, c'est la guerre. C'est la guerre des pierres, oui, c'est la guerre. C'est la guerre, mes frères, oui, c'est la guerre. La jungle des luttes, ouais, c'est la guerre partout, mais donc partout les peuples résistent et donc continuent à cueillir les olives si c'est ça leur activité, comme donc en Cisjordanie, ce qui est une des cultures importantes de la région. Et donc l'année dernière, tu étais venu, Didier, merci d'être avec nous, justement. Bonsoir. Pour nous raconter cette expérience l'année dernière et de nouveau maintenant cette année. Donc on te prend presque à la descente de l'avion. Donc bah, tant mieux, merci d'être avec nous, justement, c'est encore tout frais, donc comme tu le disais tout à l'heure, peut-être encore un peu embrouillé, tellement descendre de l'avion qu'on n'a pas eu vraiment eu le temps de préparer, donc je ne sais pas trop ce que tu vas dire, mais en tous les cas, il y a forcément eu en une année des avancées d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que du coup, comme tu le disais, bah, voilà, on le sait tous, la situation s'aggrave, s'empire, et donc... On parle de Gaza et beaucoup moins de la Cisjordanie, mais on sait que les colonies avancent et que les peuples sont en résistance. Mais donc, justement, leur activité principale, c'est quand même aussi de pouvoir subvenir à leurs besoins, donc de continuer leur production première. Et donc, c'est merci à toi de nous partager cette expérience, cette aventure aussi humaine et solidaire. Merci à toi de FPP de m'accueillir. Je vais essayer effectivement de ne pas être trop embrouillé, même si effectivement je suis rentré vendredi, je parle droit dans le micro, je suis rentré vendredi, j'ai les esprits un peu encore embrouillés. C'est pas facile non plus de laisser des gens dans la merde avec qui j'ai passé presque un mois à effectivement cueillir, récolter des olives, puisque je suis parti pendant la saison des olives qui vient de se terminer. C'est pas forcément de ça dont je vais le plus parler, la cueillette des olives, même si voilà, bon, après concrètement, j'ai fait du travail agricole volontairement, bénévolement, pendant presque un mois. Sous une chaleur assez accablante, il faisait encore il y a quelques jours 30 degrés quand le soleil est au plus haut, voilà, avec un réchauffement climatique qui se fait sentir aussi là-bas. Et donc un manque d'eau et donc des olives qui ne sont pas très nombreuses, pas toujours très charnues et une récolte pas très bonne cette année. Voilà, même historiquement mauvaise, j'ai entendu parler de... Ça fait 15 ans que ça n'avait pas été aussi mauvais et c'est dû au manque d'eau. Un manque d'eau qui est évidemment aussi aggravé par la colonisation du territoire puisque les colons ont le privilège de pouvoir... s'accaparer l'eau pour leurs propres besoins. Donc les deux effets cumulés du réchauffement climatique et du colonialisme font que l'eau vient à manquer et que la récolte sont particulièrement mauvaises. Je vais quand même repartir de... Même si tu es là l'année dernière aussi... Ouais, tout le monde n'a pas écouté justement, c'est pour ça qu'il faut le reprendre. Tout le monde n'écoute pas chaque année. Non, et assidûment mais on ne peut que recommander. Rester dans la petite... la petite et bouquette. Donc, je suis parti avec une organisation dont l'acronyme est UAWC, qui veut dire l'Union des comités de travail agricole. C'est un syndicat / ONG. Palestinien, comme ça, aussi près que ça du micro. Non, là. Mais pas tourner la tête tout le temps, je tourne parce pas que du non, coup, sinon le son il tourne dans tous les sens en fait. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, je tourne pas la tête. Je tourne pas la tête. Non, tiens, si fait, je mets le papier en face, je vais arrêter de tourner la tête. Et voilà, donc l'UAWC, le comité des. L'Union des comités de travail agricole, qui est un syndicat / ONG. Palestinien, né dans les années fin des années 70, proche du Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, qui propose à qui il veut, parce que cette année c'était ouvert à tout le monde et ils ont officiellement appelé à candidature de faire une solidarité concrète internationale à travers la cueillette des olives, une solidarité entre les peuples, loin des gouvernements. Et il faut dire tout de suite que ce n'est pas la seule organisation à faire ça, qu'il y en a d'autres. Parmi les plus connus, on trouve l'ISM, le International Solidarity Movement. Voilà. Et puis une autre moins connue qui s'appelle FASA. Voilà. Et qui, chacune a ses spécificités. Mais disons que la question première quand on va faire ça, c'est en fait à quel niveau d'offensivité on est prêt à accepter. Moi, l'organisation avec laquelle je suis parti, il propose différents types de risques selon là où on va. La question, c'est va-t-on aller dans des champs d'oliviers qui sont officiellement interdits à la cueillette ou va-t-on aller dans des champs qui sont... de manière temporaire autorisée à la cueillette. Donc avec dans le premier cas, si c'est strictement interdit, il y a un niveau de risque qui est plus élevé parce que la probabilité que des colons, que l'armée arrive séparément ou ensemble est très grande. Si c'est temporairement autorisé à la cueillette, c'est moins risqué. Et si c'est autorisé à la cueillette, ça l'est encore moins dans le sens où le zéro risque n'existe pas. À tout endroit, les colons et ou l'armée peuvent toujours débarquer pour interrompre une cueillette. Alors, l'ISM est une organisation qui est connue pour aller chercher et amener des volontaires dans des champs qui sont interdits officiellement à la cueillette et pousser à la confrontation et autour de ça, créer de l'événement et du bruit médiatique et de la solidarité. Voilà, moi, l'organisation avec laquelle je suis parti, l'UAWC, ils le font parfois, ils ne le font pas toujours, ils le proposent à certains, pas à tous. C'est des discussions qu'il y a, parce qu'il faut comprendre qu'on est arrivé à un niveau de violence en Cisjordanie qui fait qu'on ne sait plus très bien jusqu'où peut aller la violence de l'armée et des colons. Et donc, en fait, aller s'exposer, c'est aller s'exposer à un niveau de violence dont on ignore la limite. Donc, c'est tout à fait embêtant, même si pour l'instant, il faut reconnaître que les volontaires internationaux, sauf un cas qui a un an et demi maintenant, exceptionnel, n'ont pas été exposés à une violence très très sévère et encore moins mortelle. Pour l'instant, la violence à laquelle on a été exposé, certains de mon organisation, l'UAWC, c'est l'arrestation, l'incarcération jusqu'à une semaine et l'expulsion du territoire palestinien. Il y a 32 camarades qui étaient partis comme moi, qui se sont réfugiés dans une maison tous ensemble parce que des colons arrivaient dans le champ que j'étais en train de récolter. Sachant cela, l'armée a opportunément déclaré la zone dans laquelle la maison se trouvait zone militaire, ce qui leur donnait le droit d'intervenir dans la maison, à l'intérieur, et d'arrêter absolument tout le monde. Ils ont mis une semaine à reconduire tout le monde à la frontière, comme on dit poliment dans notre pays. Ils ont été expulsés. Une semaine de détention, toutefois. Alors, pour certains, ça a mis un jour. Pour d'autres, ça a mis jusqu'à une semaine. Et puis, il faut ajouter qu'il y a, pour certains aussi, un bannissement du territoire palestinien qui peut aller jusqu'à 99 ans. Voilà. Ah oui. Donc, c'est peut-être la peine la plus sévère. Mais même pendant la détention, de tous les témoignages que j'ai eus, ils ont été bien traités, contrairement aux Palestiniens qui sont torturés dans les prisons israéliennes. Ils ont été bien traités, sauf que quand même, il y a eu... Ils étaient européens. Ils étaient européens ou américains, c'est-à-dire états-uniens. Et ils ont quand même eu des interrogatoires, pour la plupart d'entre eux, assez poussés, assez sévères. Les autorités israéliennes voulaient savoir absolument avec quelle organisation on était parti, qu'est-ce que on faisait, avec qui on travaillait. Ils voulaient des noms, des adresses. Enfin voilà, essayer de récolter le maximum d'informations. Et ces interrogatoires étaient apparemment polis, mais longs. Voilà, et répétés. Mais mis à part ça, il n'y a pas eu de sévices physiques. De torture, contrairement à d'autres prisonniers palestiniens, par exemple. Voilà, absolument. Il n'y a pas eu d'autre ce type de maltraitance. On peut se demander, en m'écoutant, je crois, à quoi ça sert d'aller en Palestine cueillir des olives si on ne va pas là où vraiment on est confronté à l'ennemi directement, le colon, l'armée. En fait, ça sert tout simplement parfois à apporter... à créer des relations avec les gens, des relations qui peuvent perdurer au-delà du temps de la cueillette. On peut aider un village, aider une famille, ensuite en tissant ses propres relations. Et puis, on apporte de la chaleur humaine, de la joie, un moment de partage qui est extrêmement important dans un contexte qui est absolument difficile à supporter psychologiquement, puisque, j'en parlerai plutôt à la fin, les raisons d'espérer sont quand même assez faibles. C'est aussi, en tous les cas, même si c'est justement pas forcément une zone qui est touchée, ça permet justement de préserver les zones qui ne sont peut-être pas encore complètement victimes. Enfin, le fait qu'il y ait la présence étrangère, enfin, par exemple au Mexique, la présence étrangère permet de freiner des actions éventuelles. Ça tomberait mal qu'il y ait des blessés étrangers lors d'une récolte venue pour récolter des olives. Enfin, peut-être que tu voulais en parler plus tard. Mais... Non, je voulais en parler maintenant et ça me sortait de l'esprit et tu me le rappelles. Tu as raison. Ça a été pendant des années la réflexion des organisations qui ont organisé ce volontariat international, c'est faire diminuer le niveau de violence à l'égard des Palestiniens en assurant une protection grâce à des étrangers. Aujourd'hui, hélas, le niveau de violence, comme tout à l'heure, est tel qu'on n'est plus très sûr qu'une telle protection soit vraiment en vigueur. Même si dans les faits, on n'a pas... moi, je n'ai pas d'informations... comme quoi des volontaires internationaux ont été très, très, très, très mal traités. Donc, on a plutôt tendance à penser que oui, ça assure une forme de protection, mais le doute s'est installé et il y a un sentiment. Les colons, l'armée, une telle impunité. On est aujourd'hui dans un génocide qui dure depuis 2 ans. On a l'impression que, alors à Gaza, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune limite. Le camp de réfugiés à Jenin et à Tulkarem ont été vidés manu militari militairement en plus avec le concours armé de l'autorité palestinienne. Donc on a l'impression qu'il y a une vraiment l'impunité a atteint au niveau local, mais au niveau international, une telle force qu'on est, plus très sûr de ce que tu dis. On a envie de penser que c'est vrai, mais le doute s'est installé. Et donc, du coup, aller s'exposer là où c'est vraiment interdit, dans une zone militaire ou quoi, c'est prendre un niveau de risque qui peut être assez élevé. Voilà. Donc, certains le font, certaines le font. Voilà. D'autres pas. Et ceux qui ont envie. Et moi, là, je fais passer le message, aller en Palestine, participer à la cueillette des olives, mais même au-delà, parce qu'en fait, les organisations en fait, organisent ce volontariat maintenant tout au long de l'année. Oui, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans le fond. Dans le fond, en fait, si on parle de travail agricole, parce que c'est ça qu'on fait. Toute l'année, il y a du travail. Et évidemment, enfin, quand je dis aussi, quel est l'intérêt si on ne s'expose pas directement, c'est qu'on ait aussi une force d'appoint, de main-d'œuvre, travail agricole. Et je vais y revenir tout à l'heure. Il y a aussi des moments où. Il y a aussi des moments où il faut aller très vite dans le travail parce qu'il y a des autorisations temporaires de récolte. Et voilà, une chose avant qu'on rentre dans la deuxième partie de l'émission et la pause, il y a aussi des personnes qui ont été interdites d'entrer, des volontaires interdits d'entrer à la frontière. Des questions leur ont été posées. À l'issue de ces questions, dans un cas au moins, je sais qu'un téléphone a été fouillé, le téléphone n'avait pas été nettoyé. Dans la page Facebook, il y avait des publications pro-palestiniennes et les autorités israéliennes sionistes n'ont pas autorisé l'entrée de cette volontaire. Voilà, dans la deuxième partie de l'émission, je vais vous parler du village où j'ai passé quasiment un mois. Il s'appelle Abou Fellah. Voilà, mais avant qu'on l'écoute, on va écouter une chanson qui commémore un massacre de 48. Le massacre de la Nakba, hein, le massacre de Deir Yassin, voilà, et je vais expliquer après pourquoi, en fait, j'avais envie qu'on écoute cette chanson, qu'on se rappelle Deir Yassin, avant que je vous parle de ce village Abou Fellah. Voilà, chanson. Oh, yes, yeah. 106.3, la jungle des luttes. On est toujours avec Didier qui est revenu d'un séjour en Cisjordanie avec l'organisation AWAC pour faire la cueillette des olives et donc en profiter pour apporter sa solidarité et nous rapporter des informations aussi sur ce qui est en train de se passer là-bas. Merci à toi d'être là et de continuer. Merci, merci. Échangeons les merci. Je vais vous parler du village où je suis resté presque un mois, à Boufélar. Encore un truc que je n'ai pas dit sur l'intérêt de partir, c'est que les trois organisations que je connais, il y en a peut-être d'autres, qui emmènent des volontaires, donc l'UAWC à qui je suis parti, l'ISM et FASA, en fait, ensemble, c'est certain, je n'ai pas de chiffre exact, mais ils ont réussi à faire venir cette année des centaines de volontaires. Et c'est devenu un sujet politique pour les autorités sionistes israéliennes. Et donc ça, déjà, c'est une raison en soi d'y aller. Et c'est un petit point que je voulais ajouter pour ceux qui se tâtent. Donc moi, j'étais dans ce village de Abou Fela. Je vais faire le lien avec la chanson là, qu'on a entendue, qui rend hommage au massacre de Deir Yassine en 1948. Ce village, il s'appelle Abou Fela. Il est vraiment bien nommé. Si on traduit, ça veut dire père paysan. Donc c'est vraiment un village. Bon, après, un village là-bas, c'est quand même presque 6000 habitants. Avec des maisons, mais aussi des immeubles. C'est un village qui est au nord-est de Ramallah, la capitale de la Palestine. La capitale, c'est Jérusalem-Est, mais la capitale de la Cisjordanie, qui est à 15 km. Mais là, bon, précision, en fait, en Cisjordanie, les kilomètres, ça ne dit pas grand-chose sur les distances. Ça dépend de combien de temps tu mets pour les faire. Quoi. Voilà, moi, c'est 15 km. Il m'est arrivé de mettre 40 minutes pour les franchir. Et de temps en temps, j'ai mis 1h30 pour les franchir. J'avais été en Palestine il y a plus de 20 ans. J'étais resté avec ces images des checkpoints très sévères, très peu nombreux, avec un filtrage, un fouillage, un contrôle systématique des véhicules. Ça existe toujours. Mais il y a maintenant un système tout à fait sophistiqué de points de contrôle, de points de passage, de points de fermeture, d'ouverture. Voilà. Et en fait, tout le monde est au courant, grâce au téléphone portable, de qu'est-ce qui est ouvert et qu'est-ce qui est fermé. Et les gens regardent sur leur téléphone par quelle route faut passer maintenant. Donc c'est pas tellement bon, le contrôle, on le risque à tout moment, il peut être volant, il peut être à tout moment, mais en fait on regarde par où ça passe et selon ce qui est ouvert ou fermé, c'est 15 km. Cette route ou pas, la première fois que j'ai fait Ramallah à Boufela, j'ai mis 1h30. Voilà, je sais, et d'ailleurs je sais pas moi par où je suis passé. Une autre fois je suis parti ailleurs, bon voilà, dans un bus, un minibus en commun, et ben au moment de partir, le chauffeur du bus dit bon, en fait, tel point de passage est fermé, je peux pas passer, je vais faire un détour. Donc en fait, le prix change. Il rajoute 5 shekels, la monnaie palestinienne, israélienne en fait, hein, puisque les Palestiniens n'ont pas leur monnaie. Et hop, parce que ça va être plus long, bah forcément le chauffeur il va dépenser plus d'essence, il va travailler plus, donc il va faire moins d'aller-retour dans la journée. Donc il rallonge un prix et donc il demande aux passagers. S'il y en a qui veulent descendre, ils ne peuvent pas payer. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Sachant qu'en fait, bon, on n'a pas trop le... Toi, en tant qu'étranger, normalement, tu as les moyens, mais par contre, pour les personnes au quotidien, c'est plus compliqué. Après, la vie, pour moi, là-bas, par exemple, ici, moi, je ne suis pas particulièrement dans les hautes classes sociales de la société française, et là-bas, la vie est moins chère, mais pas chère pour moi non plus. C'est pas comme si Du coup, tu peux quand même te payer, puis vu que tu vas faire que ce trajet... Tu peux te permettre, toi, de payer la différence inattendue du... Absolument. Moi, je suis pour dans... Pour le quotidien, pour les personnes qui sont sur place, pour le c'est quotidien, évidemment pour une le... autre réalité. Pour la personne qui part au boulot, c'est une vraie galère parce qu'elle ne sait pas exactement combien elle dépense. Quoi. Et combien de temps elle va mettre. Et donc être à l'heure au taf. Alors ce village d'Abou Fela, c'est la première fois que des volontaires allaient là-bas. Donc il y avait une forme quand même de curiosité, pour ne pas dire d'exotisme un peu mutuel. Ils étaient très étonnés de voir des étrangers venir bénévolement. Vous étiez combien en concret du coup ? Alors on a été jusqu'à 18 à un moment, et puis ensuite c'est passé 15, 12, enfin voilà, on est descendu progressivement. Moi j'ai passé quasiment tout mon temps là-bas, j'ai fait un petit aller-retour ailleurs à un moment donné, mais je suis resté là-bas, j'ai pas beaucoup circulé. Donc voilà, il y a eu un peu il a fallu s'auto-rencontrer, quoi, mutuellement se rencontrer. Ils étaient un peu curieux de savoir pourquoi on faisait ça, etc. Et donc, il fallait expliquer. C'était assez intéressant mutuellement. Ils étaient, et ça, il faut le dire, bon, je l'ai dit dans l'intro, ça a provoqué une grande joie. Quoi. C'était vraiment un bon signe. Quoi. C'était chouette, des Occidentaux viennent En fait, parmi nous, ça veut dire que dans notre village, c'est pas forcément, je crois, que la solidarité internationale qui est vraiment entendue, etc. C'est dans notre village, la vie est suffisamment normale, suffisamment sécurisée pour qu'on puisse venir nous rendre visite. C'est que notre village, il va encore bien, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Et ils ont été extrêmement généreux avec nous. Ils nous ont énormément gâtés en nourriture, en plats traditionnels. Pendant les récoltes, etc. Il y avait vraiment l'envie d'accueillir et qu'on se souvienne de l'accueil. Et plusieurs fois, ça nous a été répété. Alors, il est comment l'accueil chez nous ? Et vraiment, l'accueil était extraordinaire. Et, tout. Et vraiment, tous les soirs, on était invités. Donc, après les récoltes, on repassait. On avait les volontaires, en fait, l'ORGA, l'UAWC avait loué un appart. Parce qu'il y a des immeubles dans ce village. C'est pas un village à la française, il y a 6000 habitants, il y a des immeubles, il y a un étalement urbain dont on pourrait reparler. Et puis il y a une. Et c'était pas des gens, dans la plupart des gens, qui étaient dans la merde matérielle et financière. C'est un village qui a une forme de prospérité, parce qu'il y a un village où il y a beaucoup d'immigration ancienne, en Amérique du Nord, notamment à Chicago et au Brésil. Et donc, il y a de l'argent de l'immigration qui rentre. Et donc, il y a de la. Ça a permis de construire, voilà, merci. Et donc, on sent une forme de prospérité. Et il y a même des immigrés qui se construisent des villas assez grandes, voilà. Et qui parfois, ils n'y habitent pas dans ces villas, mais elles sont assez monumentales, parfois un peu des petits châteaux. Moi, je les ai vus, ces villas, assez classiquement dans l'immigration, la preuve de la réussite. On montre qu'on a réussi à l'étranger. Mais aussi une réponse à la colonisation par les sionistes. Alors, vous colonisez, mais en fait, nous aussi, on peut construire. Nous aussi, on a les moyens. Nous, on n'est pas des pauvres. On est là et en fait, on ne s'en va pas. Alors, c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister sur ce « on ne s'en va pas ». Voilà, et c'est ça le lien avec la chanson d'Erl Yassine. Erl Yassine, c'est un village martyr qui, en 1948, au moment de la Nakba, j'ai regardé la page Wikipédia là, juste avant l'émission, selon Wikipédia, il y a eu entre 77 et 250 morts tués par des terroristes sionistes de l'Irgun, armée sioniste, en 1948. Bon. Mais en fait, 77 ou 250 morts sur la totalité du village, c'est assez peu. Voilà. Le truc, c'est qu'avec ce nombre de morts est suffisant pour faire fuir l'entièreté du village et en faire des déplacés, des réfugiés. Et donc, ils ont fui pour sauver leur peau. Ce qu'on entend à Boufela, et ce qui est vraiment, ça c'est le truc le plus que j'ai envie de raconter, hein, parce que quand on nous dit, ils nous disent tout le temps, les Palestiniens, quand vous revenez, racontez. Mais c'est pas évident de raconter. Moi, j'ai pas vu la résistance héroïque, la lutte armée, la confrontation avec les lance-pierres contre les colons, ça je l'ai pas vu. Ce que j'ai vu, c'est des gens qui restent. Voilà, c'est des gens qui restent. Et donc ce village d'Abou Fela, il est littéralement encerclé. Il est encerclé par des villages dont je vais citer les noms parce que si jamais il y a des auditeurs, des auditrices qui connaissent, qui puissent se figurer. Il y a le village de Salouad, il y a le village de Mazra Sharkia, il y a le village de Sajil, il y a le village de Mreyer, voilà, qui sont véritablement des villages martyrs, des villages qui sont quotidiennement harcelés par l'armée et les colons qui rentrent à l'intérieur, qui arrachent des arbres, qui s'en prennent aux maisons, qui s'en prennent aux habitants, il y a eu un mort dans un village à côté pendant que j'y étais. Il y a un canal d'information WhatsApp sur lequel je me suis abonné pendant que j'étais là-bas, où on peut... C'est un travail extraordinaire. Je ne sais pas comment il est fait par des gens, je suppose bénévolement, qui suivent... Enfin, il y a tout un réseau d'informateurs qui envoient, mais parfois minute par minute, heure par heure, l'armée est à tel endroit... Tel endroit, le carrefour, il est bloqué par l'armée. Là, on a vu des colons à cet endroit. Regardez les colons, ils sont en train de labourer tel champ qui appartient à des Palestiniens. C'est en permanence de l'information. Mais c'est uniquement sur un ensemble de villages, comme un collier de perles autour d'Abou Fela. Et à Abou Fela, il y a une espèce... C'est comme le calme au milieu de la tempête. Mais dès qu'on sort d'Abou Fela... C'est le chaos, c'est l'occupation la plus sévère, etc. Et donc, évidemment, les habitants d'Abou Fela, ils ont la parfaite conscience de leur situation. Et ce qu'ils disent, et c'est là le lien avec Deir Yassine, ce qu'ils disent, c'est bon, ben, un jour, ils vont venir chez nous. Voilà, on le sait, quoi. Puisque, non seulement ils ont conscience de leur situation, mais ils ont conscience de ne pas avoir d'alliés. C'est-à-dire, l'autorité palestinienne, ils n'ont pas de mots assez durs pour la décrire. Elle ne sert absolument à rien, voire c'est juste une autorité collaborationniste du pouvoir sioniste. Donc, les régimes arabes, n'en parlons pas. Ils sont tous absolument... absents. Absolument décriés. Enfin, voilà. Donc, ils n'ont qu'un allié. Les seuls dont on a entendu bien, c'est les houthistes du Yémen, Ansar Allah. Voilà, dont on a entendu bien parce qu'ils arrivent encore à nuire à l'entité sioniste. Et pendant que j'étais là-bas, ils ont réussi à envoyer des drones contre Elat. Et ça, ça a fait du baume au cœur. On se sent moins seul. Mais ils n'ont pas d'alliés. Ils ont des gentils volontaires comme nous qui venons des armées. Et quand on demande quelle est la solution, et on arrive toujours à la même truc. Nous, on n'a pas d'armes. On ne peut pas avoir d'armes. Et donc, ils pratiquent un autre type de résistance qu'en arabe, on appelle soumoud. Et si on cherche dans le dictionnaire ce que veut dire soumoud, on va trouver opiniâtreté. Et ce qu'il faut comprendre, c'est l'idée de tenir bon. On tient bon. Quoi qu'il se passe, on tient bon. Mais le lien avec Deir Yassine, et Deir Yassine, les habitants d'Abou Fela connaissent Deir Yassine. Voilà, ils l'ont appris à l'école. Ils connaissent ce massacre. Et donc, ils disent explicitement, c'est explicite, ils le formulent. Ils disent, nous, on ne fera pas comme à Deir Yassine. Ils pourront venir nous descendre, nous tuer un par un. En fait, voilà, on est 6000. On ne partira pas. Voilà. Et donc, littéralement, ce sont des gens qui sont en train d'attendre. Ils n'ont aucun allié, ils n'ont pas d'armes. Ils attendent, ils savent que l'horreur va venir. Et ils attendent. Mais ils n'attendent pas les bras croisés. Ils attendent, ça, c'est phénoménal. Ils attendent dans la joie. Il y a de la joie. Il y a de l'énergie, ils se marient, ils font des enfants, nombreux. Ils construisent des maisons, ça je l'ai déjà dit. Et quand on leur arrache des arbres, parce que ce village d'Abou Fela, il est épargné, j'ai dit, mais il est épargné dans certaines limites. Alors, comparé aux autres villages, il est épargné. Mais dans ses périphéries, ce 15 jours avant que j'arrive, un habitant d'Abou Fela a vu ses arbres arrachés par les colons et l'armée. Et puis, il y a un type d'habitation qu'on appelle SB, littéralement, ça veut dire ferme. En fait, c'est comme des petites maisons de villégiature, un peu dans les périphéries du village. La Palestine est un pays de montagnes, de collines, et donc on construit des petites baraques en dur pour aller prendre l'air, en fait. Voilà. Et ces SB, là, elles sont... Elles sont souvent... plusieurs ont déjà été brûlées par les colons. Et eux, ils restent là. Et pendant que j'étais dans le village, est arrivé un événement qui est le premier du genre. C'est-à-dire à l'intérieur du village, là, ce n'est plus une SB, ce n'est plus des arbres en périphérie, c'est une maison qui est certes en bord de village, mais quand même dans le village, a été brûlée par des colons. En pleine nuit, 1h30 du matin, des colons qui ont été vus. Donc il y a des témoins oculaires qui disent on les a vus. Donc, ils étaient assez nombreux. Selon les témoins, on a entre 5 et 10. Voilà. Dont d'ailleurs une témoin qui est vraiment dans la maison en face et qui les a vus. Le village, il a un aspect un peu sécuritaire. Puisqu'ils se sentent cernés. Donc il a un aspect un peu sécuritaire. Ils ont la plupart des maisons, et même l'appartement où nous on était, il y a des volets, des volets pour couper la lumière du soleil, mais ces volets sont très épais, très étanches, et il y a un côté sécuritaire. Et en fait, la nuit, on ferme les volets. On ferme les volets, sauf que là, cette maison-là, la nuit, en fait, il y a une véranda dans cette maison. C'est une assez grande maison, je vous le dis, ce n'est pas des gens qui sont dans le besoin. C'est des gens qui travaillent, la plupart travaillent dans le bâtiment. Pas que, mais dans le bâtiment. C'est une assez grande maison, il y a une véranda. La véranda, elle a des volets hermétiques, mais là, ils n'étaient pas fermés. À 1h30 du matin, des colons ont cassé la vitre de la véranda et ont jeté des cocktails Molotov à l'intérieur, sachant que le plus probablement, une famille est en train de dormir à l'intérieur de la maison. Heureusement, il y a des adolescents qui n'obéissent pas aux parents et qui ne se couchent pas la nuit et qui donc jouent aux jeux vidéo et qui, du coup, ont entendu du bruit et qu'on sonnait l'alerte. Et toute la famille a pu sortir et il y a eu Aucun blessé, si ce n'est la mère de famille qui s'est cassé la cheville en fuyant. Et en plus, la maison est aussi assez bien foutue, dans le sens où il y a une sortie arrière par laquelle ils ont pu s'enfuir sans croiser, franchir le feu. Voilà. Eh bien ça, par exemple, le Soumoud, comment ça va se traduire? Ça va se traduire qu'on ne va pas se lamenter. En fait, dès le lendemain, nous, on a été voir la famille, tout le village va voir la famille, et les jours suivants, la famille tient veillée dans un garage, en fait, attenant à la maison. Et tout le village se relaie pour témoigner de sa solidarité, et nous, les volontaires, on a fait pareil. Et en fait, on ne se lamente pas, on reconstruit immédiatement. Chacun dans ses compétences va arriver et moi je suis parti avant que la semaine après la maison brûlée soit écoulée. On a dit, mais dans une semaine c'est fini, il y aura plus aucune trace. Et ça c'est le Soumoud. On ils arrachent les arbres, on replante, ils brûlent, on reconstruit et tout est comme ça. Et on est là. Et ça c'est eux, c'est la grande leçon qu'ils ont voulu tirer de Der Yassine. Der Yassine ils ont fui, et ben nous on fuira pas. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, on fuira pas. C'est ça qu'ils disent. Et donc, ça veut dire qu'ils disent, en arabe, ben nous, on tombera en martyr. Voilà, on tombera en martyr. Ils sont prêts. Donc, vous avez là des milliers de personnes qui disent, ben nous, voilà, s'il faut qu'on tombe en martyr, on tombera en martyr. Si c'est ça qu'on doit faire, on fera ça. Les armes, on n'en a pas. On ne sait même pas où s'en procurer. Et donc, ben, on tombera en martyr. Et donc, tomber en martyr, il faut l'entendre dans la forme courageuse du « on ne fuira pas », mais aussi dans la forme religieuse de « on témoignera ». Et c'est ça, là, il faut, même en français, un martyr, si vous revenez à la... Là, je fais une petite digression, parce que moi, je me méfie de ces histoires, des différences culturelles, etc. En fait, on a une culture commune. Le mot martyr, en français, vient du grec, il veut dire témoin. Et martyr, c'est vraiment ça. Ça veut dire on va témoigner devant Dieu de notre martyr. On va témoigner du fait, on ne va pas abjurer de notre foi, on ne va pas abjurer de notre condition, on ne va pas fuir. Et s'il faut qu'on tombe en martyr, ça veut dire tomber jusqu'à la mort. Même moi, je m'appelle Didier. Et ben, si vous regardez l'histoire du saint Didier, c'est un saint chrétien. Ça fait, je crois que c'est le 21 mai. Pourquoi il a le droit d'être un saint, ce Didier? C'est parce que c'est un martyr, en fait. C'est un martyr. C'est-à-dire qu'à l'époque, on appelle des invasions barbares. Tout le monde a fui. Ben, lui, il n'a pas fui. C'est ce que nous raconte en tout cas, la chrétienté, il n'a pas fui, il a brandi la Bible, il a dit « moi, je resterai ». Et puis, l'histoire veut qu'on lui a coupé la tête et qu'il est mort. Mais voilà. Et donc, du coup, il est saint parce qu'il n'a pas fui. Voilà. Et donc là, les gens, ils ne fuient pas. Ils vont témoigner jusqu'au bout. Ils vont rester. C'est ça, l'idée de... en français, on dit... Voilà, trouver ta terre. Tenir me. Voilà. Ils sont attachés à cette terre. Voilà, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause, juste pour faire le lien avec la pause. On va passer une deuxième chanson. Cette chanson, voilà, elle va. Parce que j'ai dit, en attendant ce moment fatidique, qu'on espère ne va pas venir quand même, hein. Évidemment. Ah bah non, parce qu'ils sont prêts, mais ça veut ça veut pas dire que. Ça veut pas dire qu'il y aura. Ils espèrent qu'il y a un retournement de situation. Il y a quelques lueurs d'espoir, je viendrai à la fin. Ils vivent dans une certaine. Il y a une certaine frénésie, moi, je trouve, qui règne dans le village. Bon, là, c'est peut-être ma subjectivité qui parle, mais il y a une certaine frénésie qui règne. Mais il y a de la joie, il y a des enfants. Et voilà, et je vais faire le lien. À partir du moment où il y a des enfants... Il y a de la joie, et puis il y a des ados qui font les cons, voilà. Et puis, je vais faire le lien avec les enfants et la chanson qui suit. Musique 106.3 FPP. Jungle des luttes. قال القائد إسماعيل هذا النهج ولا تبديل لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل قال القائد إسماعيل هذا النهج ولا تبديل لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل لن نعترف بإسرائيل هيلا هيلا هيل هيلا يابا هيلا هيلا هيل هيلا هيلا هيلا هيل هيلا يابا هيلا هيلا هيل هيلا أمتار العز أيا داري لن ننسى 27 ألفا من كيلو الأمتار تلك هي الأرض فلسطين أمتار العز أيا داري لن ننسى السبع وعشرين ألفا من كيلو الأمتار تلك هي الأرض فلسطين ولها مثل هذا قراري ولها مثل هذا قراري لن نعترف بإسرائيل لن نعترف بإسرائيل هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا هيلا هيل هيلا هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا هيلا هيل هيلا يا فا والناصرة الحرة وجليل العزة والثار غزة والضفة والصخرة حيفا وربوع الأغوار يا فا والناصرة الحرة وجليل العزة والثار غزة والضفة والصخرة حيفا وربوع الأغوار كل بلادي هتفت جهرة كل بلادي هتفت جهرة لن نعترف بإسرائيل لن نعترف بإسرائيل هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا هيلا هيل هيلا هيلا هيلا هيل هيلا يا بهيلا هيلا هيل هيلا لا صلح على حبة ترب هي وقف لحمى الإسلام هذه بنادقنا في درب تجتث فلول الظلام لا صلح على حبة ترب هي وقف لحمى الإسلام هذه بنادقنا 106.3 FPP La Jungle des Luttes. On est toujours donc avec Didier pour finir cette émission qui donc nous racontait son séjour en Cisjordanie à l'occasion de la cueillette des olives. Et donc, ça nous permet aussi de justement voir un peu quelle est la situation de, bah, du village précisément où tu étais. Et donc, plus généralement, peut-être aussi sur ce qui est en train de se passer. Justement, je te laisse... Alors, plus généralement, oui. Parce que justement, cette chanson-là, elle nous emmène dans le plus général. Cette chanson-là, je voulais la passer à titre de document. Et je vais en faire un peu l'histoire. Et je vais vous dire comment moi, je la découvre. Ça dit quelque chose de la Palestine pardon, et de la Cisjordanie. Comment je découvre cette chanson ? Je suis en train de cueillir des olives avec des enfants, des ados, ce qui est assez rare parce que les ados, ils sont assez désorganisés. Donc en fait, il faut des olives partout. Et donc en fait, ils ne sont pas très efficaces. Et, bon, mais ce jour-là, il y en avait. Et puis pour donner du cœur à l'ouvrage, il y a une gamine... Je ne sais pas quel âge lui donne, 14 ans maximum. Elle sort un petit tambourin et elle se met à chanter. Il y a 2-3 enfants qui se mettent à chanter. Et moi, je ne comprends pas tout. Je parle arabe, mais je ne comprends pas tout. Et je comprends dans le refrain que le refrain dit « Même si Israël soumet le monde entier, nous, on te reconnaîtra pas. Nous, les Palestiniens, on ne te reconnaîtra pas, toi, Israël. » Et j'ai dit, cette chanson, c'est quelque chose. Si les enfants, à partir de 9-10 ans, ils commencent à chanter ça, ça va, il y a de l'espoir. L'entité sioniste n'est pas prêt de dominer la Palestine. Et donc, je me renseigne un peu sur cette chanson. Ils l'ont rechantée ensuite, après, plus tard dans la soirée, etc. Et je demande un petit peu c'est quoi. Et en fait, c'est une chanson que les enfants n'ont pas inventée, qu'ils ont entendue, et qui est un tube sur YouTube, en fait. Et ce tube, je ne sais pas trop de quand il date, mais c'est une mise en chanson d'un discours de Ismaël Haniyeh, qui était membre du Hamas, ancien premier ministre aussi de l'autorité palestinienne, démis par Mahmoud Abbas, assassiné par Israël en 2024 à Téhéran. On s'en souvient encore, à coup de missile. Hein, ils y sont allés. Carrément. Et en fait, dans ce discours, il se mêle à cette phrase-là, même si Israël domine le monde entier, nous, on ne te reconnaîtra pas. Et bien, cette mise en chanson de ce discours, ensuite, aujourd'hui, c'est devenu un tube, et les enfants le chantent. Voilà. Et ça fait partie de la réalité. Aujourd'hui, moi, quand j'essayais de demander, politiquement, enfin, quelles étaient un petit peu les tendances, une fois qu'on a fait le tour de... Hein, le Hamas était vraiment comme perçu. Tout à l'heure, tu disais, oui, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de lueur d'espoir. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lueur d'espoir. Il y a un fascisme de plus en plus... prégnant qui est là. Et ben en Palestine, le Hamas en fait fait partie des lueurs d'espoir parce que en fait il est perçu comme la dernière organisation capable d'imposer un rapport de force avec l'entité sioniste. Et j'ai entendu quelqu'un dire non, moi j'aime pas le Hamas, mais très vite dans la famille, j'ai entendu ça. C'était la fille qui reprenait le père pour dire « Mais non, arrête de dire des conneries, papa. » Voilà, on n'a plus que le Hamas. Et personne, ensuite, l'a contredit. Et j'ai plutôt entendu pas des louanges, mais bon, cette espèce de... Voilà, la dernière orga à laquelle on se raccroche. Voilà. Puisque l'autorité palestinienne est complètement absente, de fait. Il n'y a que le Hamas. Elle est pire qu'absente. Le traité palestinien est maintenant perçu. Comme tu le dis, de l'extérieur, on voit bien qu'elle est absente. Si tu veux, même de l'extérieur, on voit bien qu'il n'y a pas d'autre confiance que dans cette organisation qui, du coup, est les seules à prôner quelque chose sur un territoire palestinien avec un contact avec les populations. C'est aussi le problème, sans doute, comme souvent toutes les autorités, complètement déconnectées des peuples. Donc, un contact avec les populations, et puis vraiment la perception que le 7 octobre, est, en fait, m'a été plusieurs fois décrit comme normal. Normal. Enfin, on ne peut pas soumettre indéfiniment un peuple sans qu'à un moment donné, une explosion arrive. Voilà. Alors, et donc, ensuite, cette explosion du 7 octobre, elle a provoqué une réaction. Mais je n'ai pas entendu, moi, de discours, en fait... Oui, comme ils étaient en guerre déjà depuis, de toute façon, des années, Surtout, je n'ai jamais entendu personne me dire « Ouais, non, le 7 octobre, ce n'est pas bien. Ouais, » c'est pas grave. Voilà, jamais. C'est naturel, en fait. Tu soumets un peuple à l'oppression indéfiniment depuis des dizaines d'années, à un moment donné, il explose. Il y a une réaction. Voilà. Alors, et dans le Soumoud, là, par exemple, ce qui m'a été dit au moins une fois, j'essaie de ne pas généraliser. Dans le Soumoud, par exemple, ce qui m'a été dit, c'est que, en fait, on ne veut pas non plus avoir ce moment de révolte. Voilà. On va résister en reconstruisant, en replantant, sans passer par la phase révolte et donc contre-révolte, contre-insurrection, etc. Avant qu'on se quitte, il faut que je dise un truc sur un moment important que j'ai vécu sur la cueillette des olives il y a des champs qui sont de temps en temps soumis à ce qu'on appelle dans le langage local à une coordination, c'est-à-dire que c'est un champ qui peut-être normalement devrait être autorisé d'emblée sans procédure à la collecte des olives, mais parce que le rapport de force est défavorable aux Palestiniens, les Israéliens se permettent tout et donc imposent des procédures supplémentaires. Ils en imposent une qu'ils appellent la coordination. Donc c'est la coordination entre, d'un côté, l'armée d'occupation, que eux appellent... armée de défense, mais que nous, on appelle armée d'occupation, et de l'autre côté, les autorités palestiniennes, soit carrément l'autorité palestinienne, soit l'autorité villageoise, c'est-à-dire la mairie. Et pendant un délai très court, qui peut être de une matinée, un jour, deux jours, trois jours maximum, ils vont autoriser une parcelle, plus ou moins grande, ça peut être quand même des centaines d'arbres, à la collecte. Et là, tout le village... Il va rassurer la collecte. Il faut aller très vite. Et là, la présence des volontaires est très importante puisqu'on a un temps très court pour collecter le maximum d'olives. Et donc, il y a besoin de bras. Voilà. Donc là, notre présence... Moi, j'ai participé une fois à ça et on allait très vite. Mais ce qui donne de la fébrilité à ce moment-là, c'est pas seulement qu'on n'a pas de temps pour collecter, c'est que aussi on ne sait pas si la coordination va tenir. On ne sait pas si... Finalement, ils vont respecter cet accord de délai. C'est ça. Et en fait, par exemple, les Palestiniens avaient organisé tout un réseau de veille d'observateurs pour voir si les colons n'allaient pas débarquer. Il faut savoir que les colons sont armés, hein. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais peut-être tout le monde le sait. Hein. Les colons sont armés d'armes de guerre. Hein. Ils arrivent comme ça, ils ont des armes. Hein. C'est pas, ils n'arrivent pas en goguette. Quoi. C'est des gens qui ont des armes et qui peuvent absolument tout faire dans la plus grande impunité. Et donc, en fait, par exemple, nous, on a commencé à accueillir à 8h du matin. Donc, on est parti, je ne sais pas, à 20-30 voitures, très, très vite. Et il y avait des observateurs autour de nous qui regardaient si, en fait, les colons arrivaient. Il y avait des Palestiniens postés à des points stratégiques pour bloquer les colons, mais seulement les retarder. Parce qu'encore une fois, les Palestiniens ne sont pas armés. Donc, en fait, ils ne peuvent que les retarder au risque de leur vie. Et nous, on cueillait. Et ce que à midi, donc 4 heures plus tard, donc c'était 4 heures de cueillette intense dans la chaîne, de grosse pression, etc., que l'information a circulé et elle a été crue que non, là, aujourd'hui, les colons ne débarqueront pas, on a des assurances. Alors moi, je ne peux pas dire quelles assurances, mais ils avaient des assurances. Et donc, on s'est tous détendus. Ils ont fait venir même des repas, des pique-niques. On prend une pause, quoi. Parce que ça fait 4 heures qu'on travaillait sans pause, quoi. Et donc, on prend une pause et donc, on bouffe. Et voilà. Et ensuite, la question, c'est et le lendemain ? Alors là, il y avait plein de discours. Ouais, mais le lendemain, il y a encore la coordination, on peut venir. Mais bon, nous, on était avec une famille qui récoltait. Non, demain, il n'y a pas de coordination, n'y allez pas, ça va c'est péter bon, demain. Ouais. Vous, c'est trop dangereux. Donc nous, on n'y a pas été. En fait, on a su que le lendemain, la coordination a tenu. Ils ont encore pu avoir une journée de récolte. Mais l'important, c'est que pendant qu'on le fait, on ne sait pas. Et donc ça, c'est un stress de ouf. C'est un stress de ouf parce qu'on ne sait pas si on ne va pas tout simplement se faire dézinguer. En fait, par des. Oui, et puis du coup, à la finale, des fous furieux qui vont. Parce que c'est des terres collectives ou c'était. Non, là, c'est des terres. Non, on sait très bien qui appartient à quoi, appartient à qui, on sait très bien. Oui, mais donc du coup, ta famille, avec qui n'y est pas allée, a perdu cette récolte. Enfin, cette journée de récolte. Oui, et puis même, en fait, quand on récolte à cette vitesse-là, on ne récolte pas si bien. Je pourrais rentrer dans les détails. Enfin, il faut aller très vite. Mais je vois qu'il est 27, et à 27, on m'a dit t'arrêtes. Et donc, ouais, parce que du coup, il y a une émission derrière, il faut leur laisser le temps. Voilà. Mais par contre, on te réinvitera parce que tu auras peut-être encore d'autres petites choses une fois que tu auras décanté. Et que là, je suis en pleine décantation. Donc, là. Du coup, on te réinvitera pour continuer encore cette discussion autour de ce qui se passe en Syrie. Merci beaucoup de ta venue. Avec joie. C'était l'émission proposée par le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, CSPCL. Vous pouvez nous retrouver sur le site ouvaton.org. Et puis le mois prochain, troisième lundi du mois, à 19h jusqu'à 20h30, ou le premier mercredi du mois, au CICP à 20h. Merci, salut à vous. I said